Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, devant Tasmanian puis l'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales, au regard de l'océan. Chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes.